On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Mercredi prochain, le 14 mai, sort le film d'Olivier Dahan sur Grâce de Monaco avec Nicole Kidman dans le rôle titre. À cette occasion, Franck Ferrand nous propose aujourd'hui une émission consacrée à la principauté. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le film en question est très contesté et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Il a pour toile de fond la crise de 1962 entre Monaco et la France. Alors je vais vous raconter cette crise là pour commencer. Après quoi, nous reviendrons sur les secrets des relations franco-monégasques en compagnie de Pierre Abramovici. Et puis quelques minutes avant 15h, vous répondrez à la question posée par Benoît via la page Facebook de l'émission. Oui, Benoît aimerait savoir de quand date la généralisation du système métrique et pourquoi on ne l'utilise pas dans la marine et l'aviation. Ben voilà une bonne question. Pour le moment, je vous propose d'aller faire un tour du côté de ce petit pays dont les frontières sont des fleurs, comme disait si joliment Colette. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cette année-là, chantait Claude François. Les Beatles chantaient pour la première fois, c'était l'année 62. Elle est restée dans les mémoires cette année 62, d'abord pour la crise des fusées à Cuba, bien entendu. On est passé, semble-t-il, tout près d'une troisième guerre mondiale. Ensuite, pour la signature des accords d'Évian qui accordaient l'indépendance à l'Algérie. Inutile de vous dire qu'au milieu d'une actualité aussi lourde, la crise franco-monégasque a eu tendance à passer un peu inaperçue, quoique la presse de l'époque lui a accordé beaucoup de place, même si ça a souvent été sur un mode ironique, voire humoristique. Si l'on veut bien saisir ce qui se passe à Monaco en 1962, il faut commencer par évoquer, même à grands traits, l'histoire de la principauté. 1962, ça fait donc pas très loin de 7 siècles que le célèbre rocher se trouve sous la domination de la famille de Grimaldi, dont l'ancêtre rusé, vous savez, François la Malice, j'ai déjà eu l'occasion de raconter ça à ce micro, François de Grimaldi avait pris la place forte aux Génois un certain 9 janvier 1297. Il était entré avec un acolyte, vous savez, sous le déguisement de moine franciscain. D'ailleurs, on peut toujours voir ces deux moines sur les armoiries de la principauté. L'autorité des Grimaldi a été reconnue définitivement en 1314 sur Monaco et elle s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, à la seule exception bien sûr de la période révolutionnaire, hein, la période on va dire 1793-1814, pendant laquelle Monaco a été intégrée à la France sous le nom de Fort Hercule. Au milieu du XIVe siècle, les Grimaldi agrandissent leur territoire de Menton et de Roquebrune. C'est tout à fait fondamental pour l'histoire de cette principauté. Monaco va s'affranchir du Saint-Empire romain germanique en 1524, avant d'entrer un petit peu plus tard dans l'orbite française, le 14 septembre 1641, au terme du traité de Péronne, entre le roi de France, Louis XIII, et le prince de Monaco, Honoré II. À partir de ce moment-là, on peut dire que Monaco devient un satellite du royaume de France. Alors, je vous l'ai dit, pendant la période révolutionnaire, la Convention nationale décrète, je cite, que la ci-devant principauté de Monaco est réunie au territoire de la République française et fait partie du département des Alpes-Maritimes. Ça va durer ça pendant toute la période du directoire du consulat de l'Empire. Et c'est en 1815, par la grâce du Congrès de Vienne qui réorganise complètement la carte de l'Europe, vous le savez, c'est en 1815 que le département redevient principauté, si je puis dire, sous protectorat du royaume de Sardaigne. Il va le rester comme ça jusqu'en 1860. Et c'est en 1861 que le traité franco-monégasque accorde à Monaco sa pleine souveraineté, mais attention, sur un territoire qui s'est complètement réduit. comme une peau de chagrin. Le traité prévoit en effet le rattachement de Menton et de Roquebrune à la France, ce qui ampute la principauté de 90% de sa superficie. Sans parler de la quasi-disparition des revenus agricoles qui jusqu'alors avaient été essentiels à la bonne santé de Monaco. Le commerce extérieur monégasque reposait essentiellement sur les exportations d'huile d'olive et bien sûr de citrons, les fameux citrons de Menton, vous savez. Bon, là d'un seul coup il n'y a plus de citrons. Il va donc falloir que Monaco fasse peau neuve et trouve de nouvelles sources de revenus. Le souverain qui va jouer un rôle important dans cette mutation, c'est le prince Charles III. On a tendance à l'oublier un peu, lui, notamment au profit de sa femme d'ailleurs, mais c'est quand même le prince souverain qui va modifier, qui va totalement changer la physionomie de Monaco. C'est lui qui, en 1856, autorise la création de maisons de jeux et de casinos sur son territoire. Le premier casino, il ouvre en 1857. Alors, faute de clients, parce qu'on l'avait pas, tout ça n'avait pas été très bien préparé, il va fermer ses portes. Mais dès 1863, Charles III le fait rouvrir et il confie sa gestion à un homme d'affaires et promoteur immobilier très célèbre, le créateur du nouveau quartier de Monte-Carlo, François Blanc, qui sera le premier administrateur de la célèbre Société des Bains de Mer, fondée le 2 avril 1863 pour gérer toutes ces nouvelles activités, on va dire touristiques, de Monte-Carlo et financières. Or, tout ça est un grand succès. En 1869, la principauté peut de nouveau subvenir largement à ses propres besoins. Charles III en profite pour supprimer les impôts personnels, fonciers et mobiliers, ce qui va accélérer encore la construction sur le rocher qui devient littéralement florissant. Ce côté paradis fiscal, si vous voulez, joint à la beauté du site et à la merveille du climat, tout ça va contribuer à attirer à Monaco le Gotha international auquel les Anglais avaient déjà montré le chemin, en colonisant, si j'ose dire, la French Riviera, la Côte d'Azur. En 1911, ça c'est une date importante, Albert Ier, le prince océanographe, vous savez, Albert dote Monaco d'une constitution qui en fait une monarchie constitutionnelle, et à la fin de la Première Guerre mondiale, avant même l'armistice, dès juillet 1918, la France et Monaco signent un traité d'amitié protectrice. Ce traité fait partie du traité de Versailles, il va y être intégré et il établit que Monaco devra désormais s'aligner sur les intérêts politiques, militaires et économiques de la France. Il y a une raison dynastique à ce nouveau traité, mais ça je vais y revenir dans un instant avec Pierre Abramovici. Sachez d'ores et déjà que cette amitié protectrice accordée par la République française au prince de Monaco est renforcée par la convention du 28 juillet 1930. Ça, c'est un nouvel accord qui réserve la plupart des hauts postes de l'administration et du gouvernement monégasque à des ressortissants français. Ce qui fait qu'en 1949, lorsque le nouveau prince Régnier III accède au trône après la mort de son grand-père, le prince Louis II, c'est dans ce contexte de protectorat, il faut dire les choses. Or, le nouveau prince est très dynamique, plein d'ambition pour son petit pays. Dès les années 50, il fait le choix de doter la principauté d'un statut fiscal ultra privilégié. Monaco va se bâtir une véritable prospérité économique et financière et souhaite affirmer sa présence au plan international, notamment à travers un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis. Rapprochement qui, vous vous en doutez, dans le Paris gaullien de l'époque, n'est pas du goût de tout le monde. Ce sont, disons-le, tous ces bouleversements qui vont remettre en cause l'équilibre des relations franco-monégasques tel qu'il avait été institué par le fameux traité d'amitié, dit d'amitié, de 1918. Désormais, les monégasques aspirent à une pleine souveraineté, mais ça doit forcément passer par la renégociation des conventions existantes et notamment par la renégociation de la convention de 1930. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La main en collée, un film d'Hitchcock avec Grace Kelly. Et oui, c'est, vous savez, au cours du tournage de ce film qu'a été organisée la célèbre séance de photos dans les jardins du palais, à partir de laquelle s'est nouée l'idylle entre le prince Régnier et Grace Kelly. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la crise de 1962 à Monaco. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant l'occupation, 1943, a été créée Radio Monte Carlo et qu'au tournant des années 50, cette société est contrôlée par l'État français à travers une société à fonds majoritairement public, la Sofirad. En 1954, c'est au tour de Télé Monte Carlo de voir le jour. Elle est placée sous le contrôle d'une société de droit monégasque, fondée en 49, qui s'appelle Image et Son, et soutenue par une banque de la principauté. Seulement, la banque en question va faire défaut, et la Sofirad, qui contrôle donc déjà Radio Monte Carlo, prend ou veut prendre le contrôle de Télé Monte Carlo. Monaco souhaite récupérer le contrôle, entre parenthèses, c'est une histoire qui nous est très proche ici, puisque tout ça est lié directement à l'histoire de la naissance d'Europe 1, on va y venir dans un instant. Monaco souhaite récupérer le contrôle des deux médias, et le 14 janvier 1962, le prince Rainier III publie donc une ordonnance souveraine ayant pour but d'assurer la prise de contrôle de Radio Monte Carlo par des intérêts monégasques. Même si aucun nom de société ni de personne n'était mentionné dans l'ordonnance, nous dit l'historien Jean-Rémy Bézas, celle-ci ne pouvait clairement s'appliquer qu'au cas d'Image et Son. Rainier III s'en prenait directement aux intérêts français. En tout cas, il avait l'intention, il avait fait ce qu'on appelle, il avait fait une loi sur mesure, si je puis dire, en tout cas un édit sur mesure. Au départ, cette ordonnance princière, voilà, je cherchais le terme, cette ordonnance passe plutôt inaperçue, mais bientôt le ministre d'État de Monaco, le chef du gouvernement monégasque, si vous voulez, Émile Pelletier, et le Quai d'Orsay à Paris, bien sûr, s'inquiète de voir les intérêts français à Monaco mis à mal. Il y a un homme qui a eu d'ailleurs, qui s'est activé pour les inquiéter, c'est notre Sylvain Floirat d'Europe 1, bien entendu. Mais on va revenir sur tout ça. Le 23 janvier 1962, le patron du gouvernement monégasque, donc Émile Pelletier, est reçu au palais princier à une heure tardive et il demande au souverain le retrait de cette ordonnance qui empêche la Sofirad, qui empêche l'État français de prendre le contrôle de Télé Monte Carlo. Évidemment, le prince Rainier refuse. Il refuse même catégoriquement, ce qui va déclencher une vive altercation entre les deux hommes, au point que le prince décide de limoger son ministre d'État, en mettant le Quai d'Orsay et la France devant le fait accompli, ce qui n'est vraiment pas dans l'usage, évidemment. Alors, il va y avoir toute une polémique sur ce qui s'est passé réellement dans le bureau du prince Rainier ce soir-là, parce que la rumeur voudrait que le prince ait été jusqu'à gifler le ministre d'État. Émile Pelletier a totalement démenti ça, hein, en 1975, dans son livre qui s'appelle « Traversée d'une époque », il écrit « La conversation s'écartait du sujet même de la réunion, se transformant en une vive altercation », ça il le reconnaît, mais il ajoute « sans voix de fait comme certains ont voulu le présenter ». Et ma conclusion fut rapide « Monseigneur, je quitte cette maison où vous ne me reverrez plus. Le prince rétorqua « Vous pourriez au moins dire ce palais ». Et j'acquiesçais à cette rectification en quittant le salon où nous nous étions réunis. Bon, voilà ce que dit en tout cas Pelletier. Le 25 janvier 62, le prince Rainier abroge finalement la fameuse ordonnance, après que le général de Gaulle lui a écrit que cet incident, autrement dit le limogeage sinédié de Pelletier, remettait en question les relations franco-monégasques. Voilà ce que nous dit Bézias. L'affaire ne fut rendue publique que le 27 janvier. En première page, Nice Matin annonça à ses lecteurs qu'Émile Pelletier avait cessé ses fonctions de ministre d'État à Monaco. Les propos de Pelletier à sa sortie de l'hôtel Matignon, où il venait d'être reçu le 26 janvier par Michel Debré, donc le Premier ministre, étaient reproduits. Et là, je cite les propos en question. « Le prince s'est séparé de moi dans des conditions inadmissibles », disait Monsieur Pelletier. « Je viens de saisir le gouvernement ». Fin de citation. En même temps, Nice Matin retranscrivit le texte de l'ordonnance abrogée, ce qui dévoilait au lecteur l'origine véritable du litige. Alors, ce que nous allons comprendre dans la conversation qui s'amorce avec Pierre Abramovici, c'est qu'en vérité, il s'agit là plutôt d'un prétexte que d'autre chose, et qu'il y a des contentieux bien plus importants, si j'ose dire, il y a des cadavres sous le tapis entre la France et Monaco à l'époque. Si l'ordonnance est annulée, ça n'empêche pas le gouvernement français, très irrité par le statut de paradis fiscal de la principauté, c'est ça aussi hein, qui va évidemment créer beaucoup de tensions. Ce statut attire des entreprises, des particuliers, il permet à de trop nombreux Français résidents, plus ou moins régulièrement à Monaco, d'échapper au fisc français. Le gouvernement français va donc demander officiellement à Monaco la renégociation des accords fiscaux en vigueur, des accords fiscaux qui étaient régis par une convention qui remontait à 1951. On est là en 62, un peu plus de 10 ans plus tard. La principauté ne pouvant dire non, les négociations en question commencent le 13 mars 1962 et dans l'édition du 23 mars 62 de France Soir, voilà ce que déclare le prince Rainier III. Nous ne pouvons accepter d'imposition directe. Nous sommes parfaitement désireux de nous entendre avec les Français sur bien des problèmes, mais l'imposition directe serait une atteinte aux racines mêmes de notre souveraineté. Et jusqu'au bout, je refuserai absolument pour ma part quoi que ce soit qui vienne à l'encontre de notre souveraineté politique ou économique. Les négociations sont donc interrompues le 3 avril et le ministre des Affaires étrangères français, à la sortie du Conseil des ministres, c'est Maurice Couve de Murville à l'époque, déclare que le gouvernement a décidé de dénoncer la convention du 23 décembre 1951, donc cette vieille convention fiscale, base des rapports monégasques dans les domaines de la douane, des impôts, des postes et des télécommunications et des monopoles. La France donne alors un délai de 6 mois, nous y voilà, hein, c'est une sorte d'ultimatum du général de Gaulle. L'État monégasque a jusqu'au 11 octobre 1962 pour parvenir à un accord. Sinon, la convention de voisinage et d'assistance administrative deviendrait caduque, ce qui entraînerait de facto, et c'est là que ça commence à faire un peu tâche, si vous me permettez, ça commence à faire du bruit, ça entraînerait un blocus de la principauté. Dès cette annonce, le prince Rainier se déclare prêt à tous les compromis, à l'exception de l'instauration d'un impôt frappant ses 7500 sujets. Cette histoire d'imposition directe, évidemment, reste le véritable point sur lequel la principauté, le palais princier n'est pas du tout prêt à transiger. Le 19 septembre 1962, les négociations reprennent dans un climat extrêmement tendu. Elles vont bientôt échouer à nouveau. Reste en effet deux points essentiels en suspens, le taux du futur impôt monégasque sur les sociétés et, j'ai envie de dire surtout, le sort des Français résidents monégasques n'ayant pas été domiciliés au préalable pendant 5 ans dans la principauté. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1962, quand je dis dans la nuit, c'est à minuit, le général de Gaulle, enfin le gouvernement français officiellement, déclare le blocus de Monaco et instaure un contrôle douanier à la frontière entre les deux États. Ça ressemble à une petite guerre picrocolline, mais vous allez voir qu'en vérité, ce sont des intérêts très importants qui se cachent derrière tout ça. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la crise de 1962 à Monaco. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la crise de 1962 entre Monaco et la France. Alors donc, je vous ai dit, un blocus de Monaco décidé par le gouvernement français. La presse raconte que 6 douaniers français se sont postés aux entrées routières de la principauté, créant sous une pluie battante des embouteillages monstres sur la basse corniche au quartier de la Condamine. Par ce geste, la France veut surtout rappeler à Monaco qu'elle n'acceptera pas que la politique de la principauté vienne à l'encontre de ses propres intérêts. C'est un bras de fer incontestable entre le général de Gaulle et le prince Rainier. Le 13 octobre d'ailleurs, le prince, qui croit à une reprise rapide des négociations, va utiliser l'antenne de Radio Monte Carlo pour s'adresser à ces sujets. Voilà ce qu'il dit notamment dans son allocution, je le cite. « À des propositions françaises difficilement acceptables, la délégation monégasque a fait des contre-propositions valables et nous ne pouvons aller au-delà de ces propositions sans risque grave de compromettre notre économie pour l'avenir. La fraude et l'évasion fiscale peuvent facilement être combattues et stoppées sans pour cela en venir à des mesures générales et extrêmes. Que voulons-nous, nous, monégasques, vivre en paix en faisant prospérer la principauté, vivre en parfaite harmonie avec la France ?» Alors ce siège de Monaco, comme les journalistes s'amusent à appeler l'événement, occupe la une des journaux pendant plusieurs jours. Voici ce qu'écrivait, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ça, voici ce qu'écrivait Philippe Bouvard dans le Figaro du 13 octobre. « Minuit, heure H », écrit-il avec cette espèce de plume caustique. « À minuit, le dispositif se mettait en place. Deux officiers des douanes et un brigadier encapuchonné plantaient un panneau indiquant « Arrêt douane » sur la route de la Basse-Corniche. Et les contrôles commençaient, il est vrai, sans grand enthousiasme. Pourtant, on n'avait pas attendu cette heure historique pour connaître les premiers embouteillages. Une centaine de journalistes de toute nationalité et quelques dizaines de curieux qui avaient bravé la pluie diluvienne pour assister à un instant historique avaient créé sur la route la plus inextricable confusion que la côte ait enregistrée, au moins hors saison. Bientôt, le ton montait. Les occupants des voitures arrêtées se mirent à user de leurs avertisseurs sonores sur un rythme lancé outre-Méditerranée et lors de circonstances beaucoup plus dramatiques. Il fait allusion à la guerre d'Algérie, évidemment, qui vient juste de se conclure. De certains véhicules, eux aussi immobilisés, sortaient par instants des drapeaux monégasques ou des pavillons blancs qu'on pouvait interpréter comme des demandes de cesser le feu. Pendant ce temps, imperturbable sous l'averse et sous le feu des projecteurs, le douanier opérait. Un beau douanier, ma foi, venu tout exprès de Toulouse et qu'on avait fait tondre de frais l'après-midi. Au 20e flash, un titi lui lança « Tu n'as pas dû en avoir autant pour ta première communion !» Voici donc les premiers effets de la mesure. La circulation est notablement ralentie, écrit Philippe Bouvard, mais on dispose d'une curiosité touristique supplémentaire. Il était temps, le douanier va pouvoir prendre la relève des Dolly Sisters. Évidemment, tout le monde s'amuse de cette histoire, mais il y a une affaire très sérieuse derrière. Alors, le 14 octobre, Nice Matin déclare « Le dialogue entre la France et Monaco doit reprendre au plus tôt. Les monégasques gardent leur sang-froid et croient en une fin prochaine de la bouderie française. » Et le même jour, le 14 octobre toujours, France Soir titre « Le premier barrage n'a duré que 40 minutes mais a créé un gigantesque embouteillage avant d'évoquer les réactions des monégasques. Berlin a le mur de la honte, maintenant nous avons le mur du ridicule. » J'ai l'air de traiter tout ça de manière assez folklorique, mais c'est avec beaucoup de tendresse et je sais que le prince souverain le sait très bien. Il y a à Monaco quelque chose de très particulier à côté duquel il est difficile de passer en vérité. Et ce qui pourrait passer pour une simple petite anecdote, pour une péripétie de l'histoire, va en vérité avoir des conséquences. Alors des conséquences importantes d'abord pour la principauté. Bon, alors certes, le courrier à partir de 1962 sera assujetti au tarif international. Bon, la vraie conséquence pour Monaco, c'est la nouvelle constitution adoptée le 17 décembre, dont le but est de perfectionner les institutions de la principauté, mais aussi d'établir des rapports de confiance entre le prince et ses sujets. La constitution accorde le droit de vote aux femmes, on est en 62, elle abolit la peine de mort, elle lie l'adoption du budget au vote du Conseil national, c'est-à-dire du Parlement monégasque, si l'on peut dire. Enfin bon, bref, Monaco se modernise, si je puis dire. Et grâce à cette nouvelle constitution, les négociations reprennent en décembre 62. Elles vont aboutir le 18 mai 63 à la signature par la France et Monaco d'une convention fiscale qui prévoit notamment le maintien du privilège fiscal accordé aux Français résidant à Monaco depuis plus de 5 ans, à dater du 13 octobre 1962. En revanche, les nouveaux arrivants français seront désormais soumis au régime fiscal français. La convention met également en place un impôt sur le bénéfice pour les entreprises qui sont installées à Monaco, mais dont 25% du chiffre d'affaires se fait hors de la principauté, au moins 25%. Et puis, outre cette convention fiscale, il y a d'autres accords qui sont signés le 18 mai, notamment une convention douanière, une convention de voisinage, une convention relative aux relations donc postales et téléphoniques. On peut dire que cette crise de 62, cette guéguerre entre la France et Monaco, n'aurait probablement jamais eu lieu sans la volonté du prince régnier de renforcer la souveraineté monégasque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on va se rendre compte dans les 10, dans les 20, dans les 30 années qui suivent, que tout ça aboutira et que le prince régnier, il faudra attendre 2005 pour ça, mais obtiendra une souveraineté pleine et entière de sa petite principauté. Finalement, c'est lui qui a gagné la crise de 1962. Bonjour Pierre Abramovici. Bonjour. J'ai volontairement, dans ce survol de la crise franco-monégasque, laissé de côté un certain nombre d'aspects sur lesquels nous allons revenir, parce que vous connaissez Monaco par cœur et vous avez accès à toutes les archives sur place. Vous allez nous révéler un certain nombre de choses assez sidérantes. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la crise monégasque de 1962 avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Abramovici, historien et grand reporter. Alors ce qu'il faut dire, Pierre Abramovici, c'est que vous avez accès à des archives monégasques, aux archives d'État, aussi à des archives privées. Enfin, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire de Monaco. Vous avez vu, ce qui n'est pas mon cas, le film avec Nicole Kidman dans le rôle de Grace Kelly. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas sorti enthousiaste de cette projection, j'ai l'impression. C'est difficile. Comment dire? Le film est supposé être, je cite, un film de fiction inspiré de faits réels. Et il se trouve que les faits décrits sont tous, on va dire, très irréels. Oui, pour voilà, pas dire mieux, c'est de la science-fiction. On est dans la fiction totale. Totale. En fait, il n'y a pas un mot historique vrai. Moi, je trouve ça toujours un peu incroyable quand on s'empare de l'histoire pour faire un film et qu'on ne respecte pas les événements eux-mêmes. Je suis toujours un peu surpris, on va dire. Alors, il faut justement revenir sur le contexte de l'époque. Le prince Rainier a épousé cette actrice américaine, Grace Kelly, qui est donc devenue la princesse Grace en 1956. Ce qu'il faut dire, c'est que la crise qui va éclater en 1962 n'éclate absolument pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. La prise de pouvoir par le prince de Monaco, qui date de 1949, mais qui s'est, qui a pris de l'importance dans les années 50, cette prise de pouvoir par le prince de Monaco inquiète un peu la France. Le prince a réformé de fond en comble la principauté, il faut le dire. Alors il faut partir du début, c'est-à-dire quand il arrive en 1949, Monaco est effectivement un protectorat, ce sont les accords de 1930. Toute l'administration, police, justice, tout ça est intégralement français. Donc c'est un véritable protectorat au sens strict, même si ce n'est pas ainsi qu'on le définit. Rainier est extrêmement nationaliste, mais coincé par les institutions. En 1956, il épouse la princesse Grace, et du fait des institutions, aussi étonnant que ça puisse paraître, il doit demander l'autorisation à la France. Et voilà, bien sûr. Et donc il y a un courrier insensé que j'ai retrouvé il y a 15 jours, où il demande la permission, et on la lui accorde bien volontiers, c'est Maurice Couve de Murville, ambassadeur de France à Washington, qui accepte, au nom du gouvernement français, gentiment, que le prince épouse la citoyenne américaine Grace Kelly. Nous vous accordons bien volontiers notre autorisation pour épouser la citoyenne américaine Grace Kelly, dit absolument. La dépêche. De la part, si j'ose dire, de la France, c'est normal, sont les accords. J'imagine que du côté du prince Rainier, c'est absolument insoutenable. Or, économiquement, Monaco est pour le moment, il faut dire, encore peu important, ce n'est pas vraiment ce qu'on va connaître par la suite. Et en plus, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, il y a eu les affaires dont nous avons eu l'occasion de parler ici même pendant la Seconde Guerre, qui font que la France s'est un petit peu assise, si j'ose dire, sous la souveraineté monégasque, une fois de plus, et donc une partie des finances monégasques sont, on va dire, assez sèches. Il se trouve que, à ce moment-là, il y a aussi des conflits avec les monégasques. Il se trouve aussi que le prince de Monaco est contesté, lui et ses prédécesseurs, depuis toujours, par la population monégasque de souche, et ces conflits vont aller assez loin. Il y a une tentative, par exemple, de coup d'État de la princesse Antoinette et de son mari, de son futur mari, en 1955. La princesse Antoinette est la sœur de Rainier. Absolument, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs que locales. Il y a une espèce de conflit permanent entre les autorités et cette population qui va aboutir, ce qui est extrêmement important, en 1959, à la prise de pouvoir par Rainier sous forme de la suppression de la Constitution et de la suppression des institutions. Rainier gouverne seul. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il est soutenu par le gouvernement français nouvellement arrivé. C'est-à-dire le nouveau général de Gaulle, hein, qui vient d'arriver au pouvoir à Paris. Qui a un préjugé favorable plus général envers Rainier, qui a été du bon côté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc de Gaulle voit ça plutôt d'un bon œil. Et il envoie Émile Pelletier, qui est son ministre de l'Intérieur, c'est dire s'il a confiance. Il va être remplacé par Roger Frey à ce moment-là. Hein. Qui devient ministre, premier ministre de la principauté. Donc de 1959 à 1961, en principe, si j'ose dire, tout baigne. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que les monégasques, qui souhaitent s'affranchir d'une manière ou d'une autre de la tutelle française, avancent des pions, petit bout par petit bout. Alors, l'un des pions majeurs arrive assez tard, vers la fin des années 50, début de 1960. Il s'appelle Martin Dell. Et ce Martin Dell est un, comment dire, agent du département d'État américain. Tout le monde dit que c'est un agent de la CIA, en fait. Alors, hein. C'est ce que dit le SDEC de l'époque, donc les services secrets français de l'époque, mais la DST, dont j'ai retrouvé les documents il y a 15 jours, disent que lui, il travaille en réalité pour des intérêts privés. On ne sait pas trop. En tout cas, département d'État, CIA ou intérêts privés, ça intéresse beaucoup les Français. Quels intérêts privés? On a des idées de ça? Oui, la DST en a, très précisément. Dell arrive donc sur les brisées, si j'ose dire, de l'arrivée de Grace Kelly. Grace Kelly, son père, est ce qu'on appelle le roi du ciment à Philadelphie. Et donc, il se trouve qu'il y a un énorme projet de construction à Monaco d'extension sur la mer. Et on soupçonne, la DST soupçonne Dell d'être un agent des Kelly pour s'emparer du marché qui est un marché énorme, oui, voilà. Plusieurs dizaines de milliards de francs de l'époque. Ça donne une toute autre dimension à la crise qui va naître, hein, tout ça. C'est la première chose. Et entre parenthèses, ça souligne l'importance des intérêts américains dans ce Monaco des années 50. Le mariage princier, le mariage de la comédienne Grace Kelly avec le prince souverain a donné aux Américains une sorte de... Ça a été une révélation, on peut dire, hein, et d'un seul coup... Oui, non. Dans le sens où, dès 1944, ils voulaient déjà prendre Radio Monte Carlo. Ça les intéressait déjà. Les Américains. Des Américains. Oui. Mais ce désir américain, ce qui va affoler les Français, c'est qu'à dans les bagages de la princesse Grace arrive en réalité toute une série de personnages américains, plus ou moins importants selon, mais qui vont effectivement, du point de vue des Français, secrètement, être en quelque sorte la crainte d'une invasion américaine sur le sud de la France. Alors il y a un autre homme puissant à l'époque qui est le nouveau monsieur blanc, si je puis dire, c'est Aristote Onassis, qui a dirigé la Société des Bains de Mer et qui a financé une partie des projets du prince Rainier dans le début de son règne. Simplement Rainier l'enlève en quelque sorte du jeu, puisque Onassis, comme beaucoup d'ailleurs, pour une raison obscure, la principauté attire toujours des grands de ce monde qui éprouvent le besoin de devenir prince un jour. Donc Onassis s'imagine prince, essaye au fond d'acheter la principauté. Et en réalité, Rainier monte une opération en 1956 ou 57, j'ai oublié. 57, oui. 57, peu importe. Et donc, le but étant de virer Onassis de la Société des Bains de Mer, ce qu'il arrive à faire par une augmentation de capital. Et Onassis n'est plus techniquement l'homme important qu'il était à ce moment-là. En 1960-62, Onassis est simplement le propriétaire d'une entreprise grecque, pétrolière, qui a ses bureaux installés à Monaco. Sauf que, en 1961, pour d'autres raisons économiques, là encore, Monaco envisage de créer un pavillon neutre pour la flotte commercial qui serait intégralement donné à la flotte de Monsieur Onassis. Et là, c'est une dénonciation secrète, si j'ose dire, des accords franco-monégasques, puisqu'il n'est pas prévu que Monaco devienne une sorte de paradis fiscal pour bateaux commerciaux. Grec, oui, et notamment pour cela, bien sûr. Ça n'est pas prévu du tout. Là aussi, ça affole les Français. Deuxième épisode, les Français s'inquiètent de l'indépendance économique. Donc, les Français ont peur de l'influence américaine à travers ce fameux Martin Dell, qui devient conseiller occulte du prince, si je puis dire. Ils ont peur des négociations secrètes qui ont lieu avec un certain nombre de grands armateurs, et notamment pour la flotte d'Onassis. Ça n'est pas fini, il y a d'autres. Ah oui, le terre-plein, l'extension du terre-plein, ils pensent qu'une entreprise italienne poussée par Martin Dell... Ce que vous appelez Dell, le terre-plein, ce sont les terrains gagnés sur la mer. Absolument. Hein. Ils pensent que Martin Dell pousse une entreprise italienne à dégager, là encore, les entreprises françaises. Donc d'un côté les Américains, de l'autre côté les Italiens. C'est totalement inacceptable. Et c'est là qu'arrive un prétexte. Il faut un prétexte. Les Français sont décidés à tout renégocier à leur profit. Mais comment faire? Et le prétexte est assez simple, il vous concerne directement, premier chef, c'est Europe 1 qui arrive dans le jeu. Oui, alors on va raconter cette histoire, le rôle d'Europe 1 et le rôle de la Sofirad dans cette histoire. Un autre motif d'inquiétude pour le gouvernement français qu'il ne faut pas négliger, ce sont les avoirs des pieds noirs. On est en pleine indépendance de l'Algérie, hein, 1962, il y a un rapatriement sur le continent de ce côté-ci de la Méditerranée d'une quantité d'argent, pour parler clairement, et on soupçonne un certain nombre d'investisseurs d'investir de préférence à Monaco. Le fait fiscal. Voilà. Le paradis fiscal, entre guillemets, on peut pas vraiment l'appeler comme ça, mais peu importe. Ce fait fiscal, évidemment, gêne les Français. Donc c'est une troisième raison. Il y a d'ailleurs un épisode remarquable où Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, s'adresse à la télévision aux Français, expose la question fiscale et fait un sketch. Et dans ce sketch, le ministre des Finances explique, en le faisant, qu'il décroche le téléphone, qu'il appelle, en regardant dans l'annuaire, des ressortissants français qui vivent à Monaco, et il dit, et je m'aperçois, qu'ils ne vivent pas à Monaco, mais en France. Oui. Et il y a toujours eu un sens de la communication très moderne chez Valéry Giscard d'Estaing. C'est le moins qu'on puisse dire. Dont on va célébrer le 40e anniversaire de la présidence dans quelques jours. Ce sera pour nous l'occasion de diffuser sur Internet l'émission qu'il a eu la gentillesse de nous accorder il y a quelques semaines maintenant. Alors, dans un instant, nous parlons d'Europe 1. Quand Europe 1 fait l'histoire, eh bien, c'est sur Europe 1 et c'est à 14h40 et des poussières. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Colporteur. heures sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film High Society, film avec la divine Grace Kelly. La sublime Grace Kelly qui va devenir la non moins sublime princesse Grace de Monaco. Elle a fait rêver la planète entière et évidemment, elle donne beaucoup de glamour à tout cet épisode et à toute cette époque, il faut le dire, Pierre Abramovici. On comprend pourquoi des cinéastes veuillent s'inspirer d'elle, évidemment. Alors il est vrai, effectivement, qu'à ce moment-là, elle existe sur un point particulier, c'est que c'est pile le moment où Hitchcock lui demande de faire Marnie, qu'elle ne fait pas, et elle renonce en à Marnie. En français, pas de printemps pour Marnie. Exactement, elle y renonce en juillet 1962. Alors je précise, pour que les choses soient bien claires, ça n'a aucun rapport avec la crise, absolument aucun. Et Grace ne s'est pas, si je veux dire princisée, je ne sais pas comment on peut dire, elle n'est pas rentrée dans son rôle de princesse du fait de la crise. Pas plus d'avantage que de l'histoire de Marnie. Oui, on a voulu la lui prêter des intentions qu'elle n'a très probablement pas eues. Alors, en tout cas, elle n'est pas présente. Elle n'existe pas du tout sur cette affaire. Alors, elle sera présente ensuite lors de la visite officielle à l'Élysée, etc. Parce que ça, là, son différent. Rayonnement, sa grâce, si j'ose dire. Mais c'est la nouvelle, Jackie Kennedy. C'est encore ça, un voilà, autre rôle. Exactement. Alors, venons-en à notre affaire de Sophie Rade, puisqu'une fois, pour une fois, Europe 1 est directement concerné par un épisode de la grande histoire. Parlons-en et racontons ce qui s'est passé exactement. C'est le prétexte de cette affaire, en fait. Hein. C'est le prétexte. Et c'est un prétexte auquel le prince Rainier ne s'attend pas du tout. À la base, c'est une bête histoire financière. Télé Monte Carlo, qui est née, comme vous l'avez dit, à la fin des années 50, appartient à une société privée qui s'appelle Image et Son, dirigée par un monsieur Michelson. Michelson, qui est le fondateur d'Europe 1, il faut le dire. Et ce monsieur Michelson est un ami du prince. Bon. Il se trouve qu'il fait faillite à travers une banque. Cette banque est récupérée par Sylvain Floirat, qui est le propriétaire d'Europe 1. Mmh. Floirat veut tout à fait légitimement récupérer dans la foulée Image et Son, c'est-à-dire Télé Monte Carlo. Le prince n'est évidemment pas d'accord pour permettre ainsi cette chose-là, mais le problème, c'est que Floirat est associé pour la circonstance à la Sophie Rade qui appartient à l'État français. Donc, d'un côté, protagoniste, propriété privée française, de l'autre côté, propriété d'État française. Et puis en face, vous avez Michelson, propriété privée, on ne sait pas trop. Oui, sans nationalité. Sans nationalité. Et Rainier choisit Michelson en faisant cette fameuse ordonnance princière qui au fond permet à Michelson, qui permettrait à Michelson de récupérer... Qui était faite sur mesure. Hein. Sur mesure, de récupérer pour lui les actions de cette fameuse société et donc de Télé Monte Carlo et lésant ainsi les intérêts français. Donc la France, prévenue par le ministre d'État, qui pour le coup ne joue pas le rôle d'un ministre d'État... Le ministre d'État, c'est le chef du gouvernement monégasque. C'est le premier ministre, hein. Oui. Il est supposé, malgré tout, être fidèle à son prince, de toute façon. En réalité, il ne l'est pas, il est fidèle à la France, c'est le principe. Il fonce, en réalité, à Paris, il prévient Paris, il dit, voilà, c'est une catastrophe, les intérêts français sont lésés. Paris envoie une note au prince, et le prince, en réalité, revient sur son ordonnance princière. Mais, entre-temps, il y a le fameux incident. Alors, la nature de l'incident... Dans le bureau, là, le soir, dans le alors, bureau... Alors, ça se passe à 23h, ouais. Pelletier, à sa demande, est reçu par le prince. Le prince a 4 personnes avec lui, ils sont 5. Pelletier traite, je cite le prince, je vais donc le citer, il dit exactement ceci. Et il parle à un ami et il lui dit « Pelletier aurait pu atténuer les foudres du gouvernement français comme c'était son rôle. À la place de cela, il a joué le rôle tout à fait contraire et m'a insulté gravement en me qualifiant d'anti-français selon des paroles que 4 jours auparavant j'avais prononcées et qui sur le moment ne l'avaient pas du tout gêné. » Il l'a traité en fait apparemment d'anti-français si j'en crois certaines personnes. Donc le ton est vraiment beaucoup monté, il faut le dire. Le ton est extrêmement monté. Cet entretien, vous le tirez d'où vous? Je le tire d'une lettre personnelle du prince Rainier à un ami à lui et ce courrier se trouve aux archives du Quai d'Orsay. Je précise que les documents que je cite aujourd'hui ne sont pas des documents monégasques. Du tout, ils sont issus des archives du Quai d'Orsay. Simplement, c'est ce qu'on appelle des dossiers réservés et donc j'ai obtenu l'autorisation de les consulter il y a 15 jours pour vous. Ah, mais j'ai été exprès bravo. Les chercher. Alors, donc le prince Rainier se plaint. Et il se plaint et, si j'ose dire, il tombe de sa chaise. Même courrier, il dit, je cite, « Le gouvernement français, donc, ne semble même pas prendre en considération mes gestes qui traduisent, disons-le, mon désir d'aplanir les difficultés, d'effacer les problèmes et de faire preuve d'un réel désir de reprendre des relations confiantes et amicales. Et d'un autre côté, le gouvernement fait étudier les moyens de m'abdiquer et d'instaurer une régence, M. Coupe de Murville, et finalement nous adresse un mémorandum. Il craint pour sa souveraineté. » Et c'est la clé du problème. L'affaire est une affaire prétexte, bien sûr. Floirat, au final, récupérera ses actions de Télé Monte Carlo et rien ne se passera de ce côté-là. En réalité, en contrepartie, la France se met à exiger ce dont nous avons parlé et notamment la question fiscale. Alors voilà, bien sûr. Et cette question fiscale, si vous le permettez, je vais citer le général de Gaulle. Oui. Le général de Gaulle dit dans un courrier adressé à Georges Pompidou, son premier ministre, à Couve de Murville et à Giscard d'Estaing, Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, et Giscard, ministre des Finances, il dit « Je ne vois aucune raison pour nous amollir dans l'affaire de Monaco. Au contraire, nous devons vider l'abcès dès à présent. » Et il cite l'affaire fiscale. Le fond du problème, ce sont les problèmes économiques et financiers. Le fond du problème, ce sont les entreprises françaises. Et le fond du problème, c'est le fisc. En fait, le général de Gaulle, disons-le, veut remettre au pas le prince régnier de Monaco, oui, qui va officiellement faire profil bas quand même, qui va accepter tout accepter. Sauf, bien sûr, la question de l'impôt sur les ressortissants monégasques, mais il va accepter l'impôt sur les ressortissants français. Et cet impôt sur les ressortissants français, on va conclure là-dessus, mais il a une importance. Parce qu'il va jouer dans l'économie monégasque pour les années ultérieures. Mais avant d'en arriver là, il y a presque 15 mois de négociations, 15 mois de négociations très dures, avec effectivement des rebondissements divers et variés. À aucun moment on a vu la famille princière intervenir là-dedans, ce ne sont que des experts. Il y a un expert génial, je ne sais pas qui, à Monaco, personne ne sait très bien. Et cet expert a une idée fabuleuse. Il dit voilà, d'accord, nous acceptons de prélever l'impôt sur les entreprises françaises et sur les Français. D'accord, mais il faut évidemment que nous percevions quelque chose, eh oui, puisque c'est nous qui faisons la collecte. Alors, si on adaptait ça sur un truc assez simple, on va faire une sorte de rétrocession à partir de la TVA. C'est un vieil impôt depuis une douzaine d'années qui existe, mais personne vraiment ne l'utilise vraiment. Cet impôt-là, qui va vraiment exister en France en 1967, adapté à tous les produits, mais à ce moment-là, bon, il n'y a pas grand-chose. Si on faisait ça, ah, bonne idée, disent les Français. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de péréquation entre le nombre de salariés et le nombre de résidents. Et bien évidemment, il y a beaucoup plus de salariés à ce moment-là en France que de résidents, et le contraire. Donc Monaco, apparemment, y perd. Sauf que, en 1967, le prince régnier, sur la fameuse extension qui maintenant est finie du bord de mer, crée des usines que personne ne voit. Si tous les gens qui nous écoutent vont à Monaco aujourd'hui, ils voient des immeubles d'habitation. Pour la moitié d'entre eux, ce sont des usines cachées. Cachées, oui, dissimulées. Et donc, dans ces usines, il fait ce qu'on appelle de la TVA à fort taux, à 33%, produits chimiques, produits pharmaceutiques, etc. Et jusqu'il y a 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à il y a la crise, 80% du budget de la principauté était issu du fisc français. Incroyable. En ce sens, Monaco a gagné la guerre. Ah oui, là, il a particulièrement gagné. Mais il a gagné sur d'autres plans, par ailleurs. Hein, puisqu'il a réussi à conforter considérablement son pouvoir. Il a modernisé les institutions monégasques. Il a acquis une stature internationale. Il a presque pu passer pour l'alter ego, en tout cas pour l'interlocuteur du général de Gaulle. Hein, donc ça n'est pas négligeable. D'un certain point de vue, politiquement, il y a gagné. Alors ce qui est vrai, c'est que la constitution suspendue par la force en 1959 est établie, comme vous l'avez dit, en 1963. Alors nous allons entendre, parce que ça fait partie des cadeaux que vous nous avez réservés, Pierre Abramovici. Vous êtes venu avec un document tout à fait inédit. C'est un enregistrement qui a été fait à l'époque, le jour de l'accord en 1963. Donc l'accord qui met un terme à ces bisbilles franco-monégasques. Permettez-moi de vous dire qu'au cours de ces longues négociations, la principauté vous doit beaucoup. Je doute en effet, et je doute fort, que sans votre franc-parler, sans votre esprit de compréhension, sans votre loyauté, et également sans votre inlassable activité, car combien d'allers-retours entre Monaco et Paris avez-vous fait depuis 15 mois, je n'ose plus le compter. Je doute fort qu'il eût été possible de passer des caps bien difficiles. Permettez-moi, Monsieur Blanqui, de vous rendre aujourd'hui publiquement l'hommage de ses qualités. Au moment où nous allons apposer notre signature sur les textes que nous avons préparés, voulez-vous que nous émettions en commun le souhait qu'il soit le point de départ d'une longue ère de relations sans nuages entre nos deux pays. Voilà donc ce que disait le représentant du gouvernement français, le plénipotentiaire Le Duc, à monsieur Blanqui, qui était donc ministre du gouvernement monégasque au moment de la signature de ces accords, dont on peut dire finalement que, bien qu'ils aient passé à l'époque pour une sorte de mise au pas du prince régnier, ils ont été en vérité la victoire de la... Ils sont la victoire économique, comme je l'ai dit, mais ils sont aussi, comme vous l'avez dit, la victoire politique. Hein, oui, voilà. Puisque Régnier apparaît soudain comme ayant une stature forte, grâce aussi, évidemment, à la présence à ses côtés de la princesse Grace, soudain, le couple va exister comme il n'avait pas existé auparavant. Merci beaucoup Pierre Abramovici. Je rappelle que vous avez publié au début de l'année, vous étiez venu nous en parler, et c'est une autre affaire très passionnante, cette affaire du plus grand trafiquant de l'occupation, il s'appelait Skolnikov, c'est lié à l'affaire notamment du Martinez à Cannes. Hein. C'est, donc l'ouvrage est paru chez Nouveau Monde en janvier 2014, il y a une part monégasque dans cette histoire aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Pierre Abramovici. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benoît, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir depuis quand le système métrique est universel et pourquoi il n'est pas utilisé dans la marine ou encore l'aviation. Alors, vous savez que pendant très longtemps, les systèmes de mesure étaient essentiellement fondés sur la morphologie humaine. Le pouce, la main, le pied, la coudée, etc., qui correspondaient bien sûr à des parties du corps humain, avec des mesures qui pouvaient totalement varier d'une région à l'autre, y compris dans des régions proches. Le pied d'Orléans n'était pas le même que celui de Lyon, etc. Donc, ça compliquait bien sûr toutes les activités administratives, commerciales, les commandes, vous imaginez. Bon. Dans son ouvrage Missura Universale, en 1675, le savant Tito Livio Burattini appelle metro cattolico la longueur du pendule battant la seconde. C'est de là que ça vient, le mètre, initialement. Ça va donner son nom à cette nouvelle unité de le mètre. Hein. Cette mesure a été développée par le scientifique anglais John Wilkins quelques années auparavant. Et elle sera adoptée le 8 mai 1790 par l'Assemblée constituante, sur proposition de Talleyrand d'ailleurs, avec cette idée d'une unification de tout le système de mesure. C'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire, bien entendu. Alors, à quoi correspond-il ce mètre? Eh bien, vous le connaissez, on a tous appris ça à l'école, c'est la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Bon, une fois qu'on a dit ça, on l'a calculé à l'époque sur l'arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone, et on a donc fait des mètres étalons qu'on a placés un peu partout. On peut en voir encore, maintenant ça devient difficile, hein, de voir les mètres étalons des années 96 et 97. Il y en a un notamment au 36 rue Vaugirard, pardon, pour les Parisiens. On peut encore aller voir un mètre étalon de l'époque. Et puis, on peut aller voir au Conservatoire National des Arts et Métiers, bien entendu. Alors, ce système a été progressivement généralisé du fait de sa simplicité, bien entendu. On le voit devenir obligatoire aux Pays-Bas en 1816, en Espagne en 1849, etc. La plupart des pays vont adopter le système métrique, à l'exception d'ailleurs des États-Unis, faut pas l'oublier, du Liberia, de la Birmanie aujourd'hui. Alors pourquoi pas dans la marine et pourquoi pas dans l'aviation? Alors là, c'est pour une raison assez scientifique, c'est que pour les marins notamment, le 1000 marins international, qui est égal à 1852 mètres, en fait, il correspond à une minute d'angle au centre de la Terre, ce qui rend les calculs beaucoup plus faciles en 1000 marins, en 1000 nautiques, qu'en mètres, tout simplement. Et c'est la même chose pour l'aviation. Voilà la raison pour laquelle les aviateurs et les marins continuent de façon plus pratique pour eux à parler en mille.